Ouais, bah j'ai pas trop dormi, il y a eu... J'ai un gros orage, c'est un peu la merde. Orage. Oui, j'ai eu peur pour ma Xbox. Allo DST3, coupé. C'est pas mieux si tu dis Allo 3 au DST. Bah oui, en fait c'est ça, donc c'est pour ça que j'ai pas coupé. Ça fait trois fois que je sais pas, ça fait comme des petites pets quand tu parles, tu fais pet, pet, pet, pet. Ah bon? Ouais. Enfin, hier c'est agressif, mais là ça fait. Tête de cul, tu parles pas, tu pètes. on va y arriver ou quoi? Bon, attention, j'arrête. Cette nuit, j'ai vu une émission, c'était sur les singes. Et en fait, c'était rigolo parce qu'en fait, c'est des singes de Chine. Et ils avaient un gros ventre, un gros nez, on appelait ça des singes hollandais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, ces singes-là, s'ils mangent du sucre, s'ils mangent de la papaye, des bananes et tout, ben leur ventre, ils explosent et ils meurent. C'est con, hein. Alors, heureusement qu'on est pas en direct, d'accord. Sur énergie, les mecs, ils pètent un câble sur l'autoroute. Mais qu'est-ce qu'ils font, Mais moi, ça m'intrigue quand même, cette histoire de singe, hein. Mais les mecs ils disaient que leur ventre explosait, tu crois vraiment qu'il explosait, il explose? Bah je sais pas, tu sais, il suffit qu'il soit diabétique, tu vois, mais manger du sucre, il explose. Ça serait bien que c'est un singe diabétique. Ça serait trop bien. Ou alors il crève. Mais c'est moins marrant. tu crois que Nikos il fait ça? Je sais pas, non mais je live, c'est à la radio. Faut lui téléphoner sur l'énergie ou lui demande. Hé, Nikos, est-ce que tu te racles la gorge des fois? Comment? Halo 3 ODST, édité par Microsoft et développé par Bungie, ce quatrième volet de la série d'Halo nous fait faire un petit tour dans le temps. Putain, chier, sans déconner. Vas-y, coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, on va jamais réussir. Putain, je suis musclé quand même. toi, t'es pas japonais, toi. De George Morikawa. Morikawa. Putain, le vent. Moi j'ai choisi Maïsime, réalisé par Masaku. Putain, non, pas lui. C'est avec Yoon Jin Song et Kim. Bon. Oh, on va dire Mongol 800, allez. Hiroitsu no Takimale Meto no Itimale Bale no Itimale Bale no. C'est pas grave. Je vous laisse avec cette dernière note musicale qui sera l'arc-en-ciel et comme titre Driver's Eye. A bientôt. A bientôt. Voilà. Voilà. J'ai eu le dernier mot. Ta gueule. Je vais en rajouter un en cachette. À la fin, au revoir. Au revoir, j'ai eu le dernier mot. Il s'occupe des bêtises, je pense qu'il y a eu quelques petits trucs. J'ai eu le dernier mot.